Après l'excitation du combat, maintenant, on se relaxe. Je vous propose une séance de méditation. Les sons que vous allez entendre vont vous plonger dans un état de paix, de calme et de bonheur. Écoutez! Alors, heureux? Zen? Comment non? Vous êtes sûr? Eh bien, ça ne m'étonne pas vraiment. C'est même tout à fait normal, car ces sons que l'on appelle sons binauraux sont de vrais attrape-gogo. Mais pour comprendre pourquoi, il faut que je vous explique d'abord comment ils sont fabriqués. Un son, c'est une onde, c'est-à-dire une vibration qui se propage dans l'air jusqu'à nos tympans. Ce qui distingue les sons les uns des autres, c'est le rythme de vibration de l'air. On appelle ça la fréquence. Pour créer un son binaural, c'est simple. Il faut que le son qui parvient à l'oreille gauche ait une fréquence légèrement différente de celui perçu par l'oreille droite. Écoutez, voici le son à gauche. Et maintenant, celui entendu à droite. Les deux vibrations sont transmises à notre cerveau. Il les additionne pour former un seul signal. Et voilà ce qu'on obtient. Pour rendre les sons binauraux plus agréables à écouter, on ajoute quelques notes par-dessus. Ainsi, ça se vend mieux. On obtient alors ce que vous avez entendu au début. Rien de bien exceptionnel, finalement, non. Sauf que des petits malins, un peu escrocs sur les bords, leur attribuent les mêmes effets que ceux des drogues. Oh, la science n'a jamais rien montré de tel. Si les battements que vous venez d'entendre vous ont vraiment apaisé, c'est simplement parce que vous avez cru ce que je vous ai dit au début. Vous en étiez convaincu, donc vous avez ressenti les effets. C'est ce qu'on appelle l'effet placebo. Et ça marche si bien, hélas, que des charlatans, disons le mot, en profitent pour tromper les gens en leur vendant des doses de drogue MP3 sur Internet. Alors, ne vous laissez pas piéger, d'accord ?